Après 42 ans passés au RPR, puis à l'UMP et enfin aux Républicains, Alain Juppé n'est officiellement plus membre du parti dirigé par Laurent Wauquiez. L'ancien Premier ministre n'est plus adhérent du parti depuis le 1er janvier pour n'avoir pas renouvelé sa cotisation 2 années consécutives. En désaccord profond avec la ligne de Laurent Wauquiez, il interviendra cependant dans la campagne des Européennes, le seul débat public qui compte vraiment à ses yeux, explique un membre de son entourage. On le croyait indéboulonnable et voilà qu'Omar El-Béchir est en train de vaciller au Soudan. L'homme fort du pays fait notamment face depuis une quinzaine de jours à un mouvement de contestation contre la hausse du prix du pain. Protestations qui se sont ensuite transformées en manifestations anti-gouvernementales et qui ont fait jusqu'à présent 37 morts d'après Amnesty International. Le dictateur soudanais continue cependant de disposer de plusieurs cartes maîtresses. On écoute à ce propos Marc Lavergne. Il est chercheur au CNRS et spécialiste de la Corne de l'Afrique. Il est à la tête d'une équipe qui est assez diversifiée finalement, parce que dans ce régime, il y a les idéologues islamistes, donc qui soutiennent le terrorisme à l'échelle internationale, il y a les militaires dont il est devenu le chef, il y a les hommes d'affaires corrompus qui vivent de toutes sortes de trafics dont le Soudan est le centre, et puis il y a des gens qui ont une pensée politique pour le Soudan, pour maintenir la suprématie des tribus dont il relève, hein, les tribus de la vallée du Nil. Alors tout ça fait que il a toujours réussi à jouer un peu le fléau de la balance entre tous ces groupes et il est peut-être difficile à remplacer. Marc Lavergne, joint par Iman Amami. Aux États-Unis, la Chambre des représentants, où les démocrates sont désormais majoritaires, a approuvé hier soir un plan de financement visant à mettre fin au shutdown, la fermeture partielle des administrations fédérales qui dure maintenant depuis près de 2 semaines. Un plan qui n'inclut cependant pas les 5 milliards de dollars pour la construction du mur voulu par Donald Trump à la frontière avec le Mexique et qui pourrait donc être retoqué par le Sénat où là, les républicains restent majoritaires. Et puis pour la deuxième fois depuis son départ de la Maison-Blanche, Barack Obama publie son top de l'année écoulée en matière de livres, films et disques et on ne sera pas surpris de retrouver dans la première catégorie l'autobiographie de son épouse Michelle Obama. Bien sûr mon favori, dit-il. Ouais, quel couple. Barack Obama qui cite également Americana, un livre de Chimamanda Ngozi Adichie dont on vous a parlé ici. Côté cinéma, le film fantastique Annihilation ou encore Black Panther ainsi que le dernier Spike Lee, BlacKkKlansman et Roma d'Alfonso Cuarón à voir sur Netflix. Pour la musique, il rend notamment hommage à Prince et à la chanteuse de jazz Nancy Wilson disparue le mois dernier, citant l'album The Great American Songbook en l'honneur de Nancy Wilson, l'une des plus grandes chanteuses de jazz de tous les temps. Côté météo, du soleil toujours sur les trois quarts ouest et sud-ouest du pays, au nord-est plus de nuages, des températures allant de 4 à 10 degrés cet après-midi, de 12 à 13 degrés près de la Méditerranée cet après-midi. 7h06 sur TSF Jazz, de la musique et encore un petit peu de musique aussi. C'est votre programme pour ces matins de jazz vacanciers. Nous vous souhaitons d'être en vacances et si ça n'est pas le cas, eh ben on va faire comme si on l'était. Nous, c'est pareil. Ray Charles nous attend dans quelques minutes avec cette chanson qu'on va tous chanter ensemble, Hit the Road Jack. Michael Bublé nous livrera sa version de Where or When, un extrait de son dernier album. Et Avishai Cohen, juste après la pub, va jouer pour nous son Chutzpan. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Papa ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi les mandarins, ils sont chinois ? Alors que les mandarines, elles sont espagnoles. Aujourd'hui, le filet de 2 kilos de mandarines Mon Marché Plaisir est à seulement 1,49€ et c'est jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Soit 75 centimes le kilo. Variété Clément Villa, calibre 2-3, catégorie 1, origine Espagne. Bonjour, je suis passé devant votre concession et j'ai une petite question concernant la nouvelle Skoda Fabia. Vous me confirmez qu'elle a l'ouverture, fermeture et démarrage sans clé ? Oui. Caméra de recul ? Oui. Feu de jour à LED ? Oui. Radar de stationnement arrière ? Aussi. Freinage automatique d'urgence ? En ce moment, la Skoda Fabia Edition est à partir de 59€ par mois sans apport sous réserve d'éligibilité à la prime à la conversion de 4000€. Conditions sur www.service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 31 mars. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Ça sonne la fin du match. Ça, la fin de la récré. Et ça, Ça sonne la fin des maux de gorge peu intenses et sans fièvre. Dril agit dès les premiers symptômes. Dril soulage la douleur grâce à la tétracaïne et combat l'infection locale grâce à la chlorhexidine. Dril sonne la fin des maux de gorge. Dril pastille médicament contient de la chlorhexidine et de la tétracaïne. Ne pas utiliser avant 6 ans. Lire attentivement la notice, demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin. Pas une minute sans jazz. Laissez-vous emporter par TSF Jazz, la seule radio 100% jazz. Richard Cohen sur TSF Jazz, le contrebassiste, c'était Jude Spann. Il est 7h12 et voici le nouvel album du chanteur canadien Michael Bublé. It seems we've stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you are wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling, you were smiling then, but I can't remember where or when. Some things that happen for the first time, seem to be happening again. And so it seems that we have met before. Had laughed before, had loved before, but who knows where or when. TSF Jazz. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Ray Charles avec les Raylettes, et j'espère que vous avez bien chanté sur Hit the Road, Jack. Ça met en joie et en condition de chanter de bon matin. Il est 7h17. À suivre les infos à 7h30 avec Mathieu. Eliane Elias, la chanteuse et pianiste brésilienne, qui va chanter pour nous Bubbles, Bongos and Beats, et ce sera délicieux, c'est promis, les Jazz Crusaders. Et auparavant, Marie-Lou Williams, juste après la pub avec My Blue Heaven. Et pour nos abonnés premium, voici... Oh ben non, pardon. Évidemment sur écran, tablette et smartphone, et toujours 100% jazz. Retrouvez la nouvelle appli TSF Jazz sous Android et iOS. 4,29€ la galette. Vous me prenez vraiment pour le roi des imbéciles. Et pourtant, c'est vrai. Jusqu'au 6 janvier, la galette frangipane ou aux pommes 6-8 parts est à seulement 4,29€ chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. 600 grammes, soit 7,15€ le kilo, transformé en France, magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, bougez plus. Père Noël, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, Chin Chin Spécial Fête, c'est toujours un succès phénoménal. Alors félicitations. La moins bonne pour vous, c'est qu'on recommence cette année. Allez, on y va. Chin Chin Spécial Fête, c'est deux paires de lunettes de plus pour 1€ de plus jusqu'au 15 janvier. Il me rend fou, staff Lelou. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Bon bah. On est dans les choux, c'est ça ? Ah, dans le chou-fleur, oui. Je suis chez Lidl. Et aujourd'hui et demain, le chou-fleur est à 1,19€ la pièce. Non. Ah si patron, 1,19€ la pièce. Et origine France en plus, hein. Le chou-fleur à ce prix-là, patron, on a du souci à se faire. Et ça te fait rien. Des soucis, c'est toi qui vas en avoir si tu continues. Oh, pardon patron, mais 1,19€, on est mal. T'as arrêté ? Ah oui, mais là, on est très mal, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. À la Vallée Village, je célèbre 2019 avec style. Jusqu'au 27 janvier, je m'offre une escapade shopping de luxe à prix encore plus réduit parmi 110 boutiques mode. Jusqu'à moins 60% sur les collections précédentes des grandes marques comme Furla, Levis, Maje. Et samedi 12 janvier, nocturne festive jusqu'à 22h. La Vallée Village, révélez l'exceptionnel. Conditions sur lavalleyvillage.com. Plongez dans le jazz. Vous écoutez TSF Jazz. La radio, 100% jazz.